Hi, my name is Nipote. I like to sing. Oh, oh, ah, ah, ah, ooh, ooh, jay, jay, jay. I hope you stay. Le blues a dégrafé nos cœurs de cannibales. Dans ce drame un peu triste où meurent tous les Shakespeare. Le jour de nos viandes sur le noir sidéral. Le jour de nos désirs sur l'envers de nos cuirs. Et je te dis reviens, maintenant c'est mon tour de t'offrir le voyage pour les Galapagos. Et je te dis reviens, on s'en va mon amour, recoller du soleil sur nos ailes d'albatros. Ne relâche, ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Lorelai, Lorelai, et je suis comme un cavalier qui a sniffé toute sa paille. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Oh.